On va parler de la NFL avec notre ami Tony Guzzo du site internet labitsnfl.com, une bonne référence pour le monde du football. Salut Tony. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Tony, on va parler d'abord de ce qui c'est de Mathieu Bett. On a entendu parler à travers les branches, pas confirmé. C'est un article que le Blitz NFL vous avez partagé sur votre site, également vous l'avez partagé sur votre Facebook. Il y a un journaliste de Chicago qui a fait l'alignement des 53 joueurs des Bears, 53 joueurs probables, et Mathieu Bett ne ferait pas partie des 53 joueurs. Donc, pas vraiment, est-ce que c'est une surprise, est-ce que c'est une déception? Là? Écoute, il faut toujours se rappeler que le gars, là, de où est-ce qu'il vient? Hein? Le gars vient de quand même de l'Université canadien. Là. C'est encore plus haut, je pense, que le step est encore plus haut que s'il viendrait de la deuxième division. Tout à fait, Danny. Puis en plus, il a pas été repêché. Ouais. Donc, mais tu as tout à fait raison. Il arrive d'un programme que de plus en plus les recruteurs regardent quand même. Donc, c'est un point positif là-dessus. Mais pour venir à Mathieu, c'est pas une surprise. Puis c'est pas une déception. Faut pas, comme tu dis très bien, là, c'est pas évident. Puis il y a quand même. Pour les gens qui l'ont regardé aller, là, ça a été un peu difficile. Mais il y avait quand même une grosse compétition devant lui. Fait que il y a une très belle éthique de travail. Puis on souhaite qu'il fasse au moins l'équipe d'entraînement ou qui sait, peut-être une autre équipe pourrait même aller le chercher au ballottage. Parce que là, je pense que si tu me corriges, je me trompe, je pense qu'il faut qu'il passe, s'il est coupé demain par les Bears, il va passer par le ballottage. Puis là, exactement. Puis là, il pourrait être trouvé par ailleurs. Exactement. Puis la date, l'heure limite, c'est demain, samedi à 16h, où ce que les équipes vont passer de. C'est tout un exercice. Ils vont passer de 90 joueurs à 53. Donc, on parle déjà, chaque équipe va comme libérer, couper 37 joueurs. Puis là, vous allez voir aussi que jusqu'à lundi aussi, il risque d'avoir aussi des gens qui vont aller se retourner encore sur le ballottage ou qui vont être cherchés. Fait que c'est un gros week-end, un peu stressant pour les jeunes joueurs, mais on souhaite bonne chance à Mathieu, mais on n'est pas. Moi, je suis confiant qu'il va se retrouver sur une équipe d'entraînement dans une équipe. Je pense que les Bears, ça serait une belle. J'ai pas vu vraiment si ils vont tout faire pour le garder dans un sens que. Mais je veux dire, une fois qu'il est coupé, il y a une autre équipe qui sont intéressées. Fait que il peut être aussi être dans une autre équipe. Mais on lui souhaite la meilleure des chances, mais. C'est malheureux un peu à dire, ça a été un peu difficile. Je m'attendais peut-être à une bataille plus serrée pour faire le poste, mais il semblerait que le choix va être facile, puis malheureusement, Mathieu ne sera pas là. OK. Donc, on va y aller maintenant avec nos prédictions. On a fait la conférence nationale la semaine passée. On fait la conférence américaine maintenant. La division S, on va commencer à tout à l'heure, les Patriots premiers, c'est selon la revue Atlant Sports, donc les Patriots sont premiers, les Jets deuxième, les Bills troisième et les Dolphins quatrième. Il n'y a pas vraiment de surprise là, encore une fois, les Pats, c'est les Pats. Ben, exactement, puis encore une fois, cette saison, personne ne va être susceptible de dépasser les Pats, puis en plus... En plus, ils vont affronter trois équipes avec de jeunes corps arrière, là, avec les Bills, Josh Allen, les Dolphins qui, on pensait que c'était Josh Rosen, mais là, les Dolphins hier ont annoncé que c'est Ryan Fitzpatrick. Ouais. Donc, Fitzpatrick va commencer, mais pour être un fan des Dolphins, il y a une bonne raison pourquoi c'est pas Josh Rosen, c'est que la ligne à l'attaque des Dolphins est tellement atroce, affreuse, qu'ils veulent protéger à court terme Josh Rosen. Fait que, malheureusement, Fitzmagic va vivre ce petit calvaire-là, comme on dit. Mais connaissant Fitzpatrick, c'est un gars qui peut connaître une bonne séquence. On va voir comment que ça va se gérer, mais ça va être un peu spécial, mais les Patriots vont sortir de cette division là encore une fois, mais les Jets vont être quand même beaucoup à surveiller avec Sam Darnold, l'arrivée de Le'Veon Bell après ne pas avoir joué pour quelques temps. Donc ça va être intéressant de voir les Jets à ce niveau-là, mais ça ne sera pas assez pour détrôner tes fameux Pats, mon cher. Ouais, et puis surtout que cette année, encore une fois, ils ont fait un excellent repêchage. Et je disais quelque part que les undrafted, les joueurs qui n'ont pas été repêchés, chacun des équipes en repêche, et semble-t-il que c'était la meilleure cohorte depuis plusieurs années. Donc le bon vieux Bill va nous sortir encore un joueur que personne ne connaît, puis il va faire un bout de chemin pareil. Donc non, les Pats vont être encore champions de cette division. Si tout va bien, Danny, là, cette année, qu'est-ce qui va être encore surprenant, c'est qu'il risque d'avoir tout un duo de receveurs en Josh Gordon puis Demaryius Thomas. Tu as le joueur de l'Arizona qu'on dit énormément de bien, là, le premier choix repêchage. Nikhil Harry. Oui, on dit que c'est un excellent... Ouais. C'était le receveur de passe qui manquait pour aller dans les zones profondes du côté des Pats. Donc, exactement. Fait que, encore la magie de Bill va être sur la table. Mais heureusement pour moi et malheureusement pour d'autres, je sais qu'on va en parler pareil. Donc la division sud maintenant, faut dire que c'était fait avant l'annonce d'Andrew Luck. Donc ça oui. change les plans pas mal. Division sud, on prédisait les Colts premier, Tennessee deuxième, Houston troisième et les Jaguars en quatrième. Moi je pense que les Jaguars sont beaucoup plus hauts que ça. Et les Jaguars pourraient même se faufiler et remporter le titre de division. Tout à fait, mais les Jaguars, c'est vraiment un point d'interrogation parce que là, on va voir Nick Foles à temps plein dans un nouveau système. Leonard Fournette, le porteur de ballon, ça a l'air qu'il est en très bonne condition physique parce qu'il y a eu quand même une saison décevante l'année passée. Oui, les Jaguars vont être dans la course. Moi aussi, j'y vois. Ben là, c'est ça. À cause que moi, je voyais les Colts, mais là, sans Luck, c'est une autre affaire. Ah oui, Jacoby Brissett, c'est ça. Mais il va quand même surprendre Jacoby. Il va sortir des bons matchs, mais pas d'une façon régulière, comme on va dire. Mm-hmm. Mais je voyais quand même Texans pour donner le Deshaun Watson, sa façon de faire. L'attaque est quand même intéressante. Là, à la défensive, on ne sait pas si Jadeveon Clowney va jouer. Il va être échangé. Tout indique qu'il va être échangé, donc ça va être à surveiller. Ouais. Il y a beaucoup de discussions, mais de plus en plus, je pense qu'il va... Parce qu'il y a une clause de non-échange dans son contrat. Fait que j'ai l'impression qu'il va peut-être faire une dernière année à Houston, mais on va savoir s'il va donner son 100%. Ça laisse à voir. Mais je vois quand même un peu les Texans sortir de là, mais comme tu dis, ça va être très intéressant de voir les Jaguars. Puis malheureusement pour les Titans, ça passe ou ça casse pour Marcus Mariota parce que l'ancien des Dolphins, ça a l'air, il a connu un très bon camp d'entraînement, Ryan Tannehill. Mariota, on va voir comment il va agir sous pression avec un cadre en arrière de lui qui pousse. Puis on va voir comment tous les Titans... On l'a démissionné très vite, moi, je trouve, dans le cas de Ryan Tannehill, du côté des Dolphins de Miami. Ouais, il n'y avait pas... J'étais un fan fidèle, mais il n'y avait pas l'équipe devant lui. Puis, puis malheureusement, il n'y a pas eu... sa blessure lui a fait mal, je pense, dans sa progression à Tannehill, puis le coaching avec ça. Mais Jaguars, reste à voir, mais je pense que Houston devrait sortir de là. Moi, Division Nord, maintenant, on prédit les Steelers premiers, selon Adlon Sports, les Browns deuxième, les Ravens troisième, les Bengals quatrième. Écoute, je m'attends que ce soit une division très intéressante, peut-être même la division la plus intéressante de toute la conférence américaine. En raison des Browns de Cleveland, beaucoup de monde espère que les Browns, la question d'Odell Beckham, Baker Mayfield également, qui est à sa deuxième année. C'est drôle, moi je pense que c'est le point d'interrogation chez les Browns. Est-ce que Baker Mayfield va être capable de récidiver? Donc, Tu as tout à fait raison. Ouais. Tu as tout à fait raison, Danny. C'est lui le point d'interrogation parce que l'équipe a fait tous les efforts nécessaires pour qu'il soit bien entouré. Beaucoup de personnalités, beaucoup de divas. Un nouveau coach. Moi, je crois énormément au coaching, puis moi je doute sur Freddie Kitchen, mais ça a l'air que tout va bien, c'est l'amour fou entre tout le monde. Donc c'est une équipe qui va on va voir. Pardon? Il y a beaucoup de prima donna là-dedans. Là. Exactement. Puis j'ai hâte de voir comment il va gérer ça. Faut qu'il les garde sur terre tous ces gens-là. C'est une équipe qui va jouer souvent en prime time en soirée à la télé, donc je trouve que c'est une équipe que du jour au lendemain a beaucoup de pression pour gagner. Ils donnent déjà la division à eux autres, mais faut voir les Steelers là-dedans parce que ils se sont entre guillemets débarrassés de deux joueurs qui pour la distraction avec Antonio Brown puis Le'Veon Bell. On va voir comment cette équipe-là va réagir. Je pense que ça va être très intéressant de voir les Steelers aller. Puis une parenthèse avec Baker Mayfield, là, il y a une fiche de 3-2 dans la division. Fait que beaucoup de pression pour les Browns à l'intérieur de la division. Ça va être la bataille entre les Browns et les Steelers. Mais moi, personnellement, les Steelers devraient sortir de là. Puis faut pas négliger les Ravens non plus parce que c'est une équipe qu'on parle pas souvent. Puis ils sont capables d'aller chercher de grosses victoires, surtout à l'intérieur de la division. Mais avec un call comme Lamar Jackson qui court à l'extérieur de la pochette, j'ai bien de la misère avec ça. Je suis pas sûr que c'est vraiment la recette pour gagner un Super Bowl comme corps arrière, là, mais ça va être une division très intéressante à voir dans l'Américaine. OK. Et la dernière division ouest maintenant, c'est aussi intéressant également. C'est intéressant également, les Chiefs premiers, les Chargers deuxième, selon Athlon, les Broncos troisième et les Raiders quatrième. Écoute, c'est les deux meilleures équipes de l'Américaine sont probablement. Deux des trois meilleures équipes, parce qu'il faut éclore les Pats également. Là. Kansas City, les Chargers. 1 et 2 sont probablement dans la division ouest. Donc ça aussi, c'est intéressant de cette division-là. Ben, tu le dis très bien, Danny. Les Chiefs et les Chargers, l'année passée, étaient les seules deux équipes avec 12 victoires et plus. Ouais. Et qui les a battus en série? C'est les Patriots qui sont sortis de là. Oui, c'est une grosse division. Encore une fois, ça va être la bataille entre les Chiefs et les Chargers. Moi, personnellement, j'ai bien de la misère avec Philip Rivers dans un sens où c'est un corps qui tu sais, il va te sortir le match ou il va aussi te perdre un match. Donc mais c'est quand même une équipe qui a pas eu grand mouvement, grand changement. Ils sont en mission, sont bien entourés, mais la pression va aller à Rivers. Les Chiefs aussi ont perdu, il y a eu quand même quelques changements, les Chiefs. On va voir Patrick Mahomes à sa deuxième année, le joueur le plus utile. Oui, il a lancé 50 passes de toucher, mais plusieurs disent que ça va être dans les 40-45. Fait qu'on va voir comment cette équipe-là va réagir. C'est une équipe qui va... Tu sais, on connaît Andy Reid. Hein? Il est capable d'amener ses équipes loin, mais pas jusqu'au bout. Fait que ça va être la bataille entre les Chiefs et les Chargers. Ils vont se battre pour la première place pour avoir quand même un avantage du terrain. Je donne un léger avantage aux Chiefs à cause de le dynamisme de Patrick Mahomes. Et pour moi, Philip Rivers, il est pas convaincant selon moi. Là. Okay. Donc, qui tu vas pour le Super Bowl? Moi, j'ai sorti ma prédiction hier. J'ai mis les Chiefs contre les Saints. Toi? J'ai parti à rire parce que c'est après plusieurs scénarios, c'est un peu ça moi aussi qui ressort. Moi, je vois pas les Pats, là, c'est drôle. Hein. Les Pats, écoute, faut jamais parier contre les Pats, mais maintenant, c'est la troisième année. Je peux pas croire, mais qu'ils vont aller dans la troisième année au Super Bowl. Normalement, qu'on sait jamais avec Belichick, on sait jamais avec le bon vieux Bill. Mais je veux rien dire parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, le contraire va quoi. Je mets les Pats quand même dans la finale de conférence contre les Chiefs. Puis cette fois-ci, les Chiefs vont quand même passer à travers. Ben, je veux dire, si Patriots a l'avantage du terrain jusqu'au bout, je dois donner encore les Pats, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les Pats n'auront pas assez de victoires pour avoir l'avantage du terrain. C'est pour ça que ils iront pas jusqu'au Super Bowl. C'est pour ça que je vois les Chiefs là, au niveau de l'Américaine. dans la nationale, les Saints, pauvres Saints, les deux dernières années, ils ont perdu des matchs crève-cœur en éliminatoire. Je peux pas croire que cette fois-ci, je pense qu'ils le méritent. Et ils sont quand même bien coachés. Drew Brees est encore là. Un gros receveur. Je vois pas d'autre d'ailleurs que les Saints au Super Bowl. Les Rams. Rams, il y a eu encore quelques changements. On va voir à quel niveau, mais je vais être en accord avec toi, Danny. Ouais. Saints, Philly Chiefs. Ouais, je vois pas ça. Mais comme on sait très bien, dans la NFL, tout est possible. Il y a la moitié des équipes de l'année d'avant font peut-être pas les séries. Fait que on va voir c'est qui les équipes Cendrillon. Ça va être encore une excellente année. Ça va commencer le 5 septembre entre les deux plus grosses, plus vieilles équipes Packers et Bears pour fêter le centième de la NFL. Donc, c'est les deux grosses rivalités. C'est la plus grosse rivalité peut-être dans l'histoire de la NFL. Ouais. Il y en a eu des grosses dans l'histoire des rivalités. Il y a eu les Raiders contre les Steelers des années 70. Il y a eu, les Manning contre Brady. Ça a été Peyton Manning-Brady. Il y a eu des... Mais ça, c'est la grosse rivalité, là. Tout à fait. Puis ils ont bien fait de... Tu sais, normalement, c'est le champion qui commence l'année. Mais pour fêter le centième, je pense que c'est le match qu'il fallait planifier. Puis ça commence assez fort, hein? C'est déjà rivalité division, puis deux équipes qui risquent de sortir de la division. On va voir comment Rodgers et les Packers vont aller, puis les jeunes Bears à ce niveau-là. Ouais, effectivement, on s'en reparle. Tony, on s'en reparle bientôt. Donc, bonne année, on s'en reparle vendredi prochain avec les matchs à surveiller dans la première semaine. Excellent, bonne saison à tout le monde. NFL.com, Tony Guzzo.